Voilà, bonjour à tous. Allô, allô, bonjour à tous. Voilà, Metanoia vous présente aujourd'hui Inès. Inès qui a fait beaucoup d'accueil ici et qui a fait que de l'accueil et qui les emmerde tous d'ailleurs parce qu'elle ne sera jamais enfermée. Et voilà, c'est comme ça. Et en attendant, elle adore chanter et elle chante divinement bien. Et moi, je l'ai écoutée une seule fois dans ma vie. C'était pas aujourd'hui. C'était une fois où on est partis tous les deux, on a écrit un texte. Et je l'ai emmené dans un studio d'enregistrement et j'ai entendu sa voix pour la première fois sur des paroles. Et là, j'ai dit, il y a quelque chose à faire. Et je me suis dit, un jour, Inès et moi, on fera quelque chose de grand. Et ça sera possible bientôt. Et on ira au studio d'enregistrement et on enregistrera une belle chanson qu'on vous viendra faire écouter ici. Parce qu'on a déjà écrit pas mal de choses. Et aujourd'hui, tu veux nous chanter quoi, Inès? Pas sans toi de Lara Fabian. Pas sans toi. Pas sans toi de Lara Fabian. Ça, c'est juste une reprise, c'est juste pour vous montrer le talent. Maintenant, elle a de la créativité, elle a tout, elle sait écrire. Et quand elle va écrire ses propres chansons, ça sera mieux que Lara Fabian. Ça sera du pas sans toi et ça sera du avec toi et pas autrement. On laisse place à Inès. Ça commence là? Ah, c'est commencé! Ah merde, vous pourrez me mettre? Ah, y a pas encore les paroles, ok. Bon, là, ça y est, là, je vais me lâcher. Sèche tes pleurs, je ne partirai pas. Il me faudrait bien plus que ça pour te détruire un néant entier. Pas ça. Sèche tes pleurs et refais-moi l'amour. Te souviens-tu de cet enfant que tu voulais me faire en chantant? Je t'aime encore si fort, non pas sans toi. Je ne la vivrai pas cette vie-là. Si tu me reprenais dans tes bras, on pourrait reconstruire tout ça. Non, non, non, non, pas sans toi. Je serais comme renier ma vie. Ce serait comme étouffer. Si tu m'aimes, attends-moi. Sèche tes pleurs, le temps nous attendra. Nous nous sommes perdus dans tout ça. Il n'y a plus de raison d'avoir peur. Souviens-tu tous ces remords? On s'oubliait, on avait tort. Je t'aime encore si fort, non pas sans toi. Je ne la vivrai pas cette vie-là si tu me reprenais dans tes. Ça serait comme renier ma vie. Ça serait comme étouffer un cri. Si j'étais loin de toi, si tu m'aimes, attends-moi. Voilà, c'est bon. Bravo, super. Il y a des spectacles qui sont vite. bonsoir. Alors, on va faire le programme. Là, on est en registre, on a un peu de pile. Ok. Ouais, est-ce qu'il y a une feuille avec ce qu'il y aura aujourd'hui ? Non, pas une feuille. Ok. Bah déjà, on est le combien aujourd'hui ? On est le 7 septembre, c'est la rentrée sur Radio Métanoïa. Nous sommes en direct. Nous sommes en direct. Nous sommes en direct. Nous sommes en nous direct. Nous sommes en direct. Thierry Relou et Jean-Michel Claquet. Nous sommes en direct. On n'a pas de pile, donc on enregistre. On enregistre que du live. Que du live aujourd'hui. Voilà. On vous fait que du live aujourd'hui. Donc nous avons Judith avec nous. Applaudissements pour Judith, s'il vous plaît. On applaudit bien fort, oui. Bonjour. Merci. Bonjour. Bonjour Judith. Bonjour. Alors vous allez parler de quoi aujourd'hui ? Ben aujourd'hui, j'ai écrit un poème que j'ai lu. Je le relis pas. Je le relis, d'accord. Alors Jean-Louis, tu vas me détester, tu vas me haïr, tu vas me faire souffrir, tu vas me faire pleurer. Je vais t'aimer, je vais te faire valser, je vais te faire danser, je vais te faire chanter. Je vais te détester, je vais te haïr, je vais te faire souffrir, je vais te faire pleurer. Tu vas m'aimer, tu vas me faire valser, tu vas me faire danser, tu vas me faire chanter. Mais un jour, nous serons indifférents aux sentiments de peine. C'est un poème préventif pour que jamais ne s'installe la haine entre nous deux, entre Jean-Louis Aubert et moi. Judith Sommaine. Voilà. Bravo, bravo. Du public numéro 1, la vie du public. Franchement, respect. Toujours pareil, en fait, c'est... Vous vous rendez compte de la chance qu'on a avec l'écriture de pouvoir se dire des choses. Et si on peut se les dire avant, c'est quand même mieux. C'est-à-dire qu'on partage, on partage un sentiment de pouvoir avec l'écriture. On partage un sentiment sur lequel on peut défier la nature et les lois physiques. Il suffit juste d'écrire pour parfois traduire un message et traduire un geste derrière. Et c'est comme ça qu'à la fin, on arrive à même avoir des gens qui ne parlent pas, des enfants qui ne parlent plus, parce qu'ils sont déçus de l'écriture. Donc quand on a la chance d'écrire, on écrit des textes. Et quand on a la patience d'aimer quelqu'un, même dans cachette, on n'a qu'à lui dire et ça peut se réveiller parfois une fête, tout simplement. Il est en forme aujourd'hui, dis donc. Ouais. Aujourd'hui, il est en forme. Makaya, il est inspiré. Je suis inspiré parce que tout simplement, je reviens on va dire d'un pèlerinage dans lequel où j'ai pris pas mal de temps pour encaisser jusqu'à mon enfermement pendant quelques jours ici, pour ceux qui sont au courant. J'étais enfermé pour moi à contresort parce que la vie que je menais avant me convenait plus que la vie que je mène maintenant. Donc pour moi, c'est une perte de temps. C'est incroyable, en fait, de prendre les médicaments, d'accepter d'avoir une maladie. On est tous bipolaires, on cache tous quelque chose, on est tous menteurs sur cette terre, tu vois, on est tous menteurs. Donc si on est menteur, c'est qu'on est bipolaire, tout simplement, on est tous bipolaires. Donc déjà, on a une maladie qu'on a tous et qui est infectieuse ici, c'est la bipolarité, et on l'est tous. On croit tous en quelque chose. Donc que ça soit ne croire en rien ou croire en quelque chose, tu crois en quelque chose, mec, même si tu crois rien. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que tu crois rien, justement, ouais. Tu crois en quelque chose. Le micro, mais, Judith, s'il te plaît. Tu espères guérir, même si tu es bipolaire ? Ouais, en fait, ouais. On est guéri d'une bipolarisation, parce que c'est imaginer le monde en deux versions. C'est imaginer le monde tout le temps avec sa version 1 et sa controverse. Et imaginer le monde comme ça, bah, ça le rend plus beau, en fait, parce que tu l'imagines d'abord moche, et puis toute ta journée, bah, ce qui se révèle, ce sont des choses belles, en fait. Et commencer sa vie en disant ça va être une journée de merde, c'est clair que si tu bouges pas tes fesses de ton lit le matin, il se passera rien dans ta vie. Et ta vie sera de la merde. Et c'est tout simplement ça le sujet, c'est de prendre le courage à demain et de sortir chez soi le matin et se dire il va se passer quelque chose dans ma journée, je vais rencontrer quelqu'un, je vais croiser une main, je vais croiser un partage, quelque chose qui va se passer. Voilà, parfait. C'est ça. Ouais. Donc, et toujours prendre son courage à demain et jamais à hier. C'est ça. Et toujours guérir, puisque c'est la solution. Toujours espérer guérir. Espérer ouais. guérir, mais après, de toute façon, on a tous, on va tous mourir d'une mort définitive. Donc, qu'on guérisse, on a tous des maladies, on guérit tout le temps, que ce soit la maladie d'amour, la maladie. Là, il y a des, voilà, là, vous voyez, il y a une preuve en acte, il y a une preuve en acte que c'est, ça peut être la guerre en 5 minutes. Ça donne des ordres, tu vois, ça veut dire c'est guérir après dans tout ça, ça gâche tout. Ouais, mais il est obligé de passer derrière toi pour aller dans la pochette à gâteau. Voilà. Chacun trouve sa place. C'est la guerre déclarée, voilà. On était là dans la maladie d'amour, on était dans l'amour sans toi de Lara Fabian. Et on passe. Là, c'était... Là, t'es un faiseur prends de... micro, tu peux prendre un micro, hein. T'es un faiseur de troubles et tu peux... Non, Frédéric, il a des fois... Il attend la... Si, c'est pas sympa. Micro, ouais, bah oui, micro oui. Régis. Non, micro, même micro. Tout près, on a 1m50 de sécurité, c'est le corona, de toute façon. Et Judith, tu peux donner le micro à Régis aussi, qui voulait dire quelque chose. Ouais. Allô, allô. Oui, c'est normal, personne n'aime qu'on passe derrière, mais il l'a pas fait exprès, monsieur. Voilà. Oui, il voulait juste mais te prendre... Moi, j'aime pas non plus, personne n'aime ça, et vous avez raison, hein. Voilà. Vous n'en faites pas, c'est un, ouais. un sentiment, c'est bien de l'exprimer à la radio, parce qu'on a... Vas-y, aujourd'hui, on a plein de musique, on a de poèmes. Ouais. Il y a Judith aussi qui va nous annoncer les prophéties pour 2028. Ouais. Ah, 2028. Vas-y, tu peux le dire avant que les batteries. En 2024, j'avais déjà parlé que des extraterrestres déposeront 4400 personnes connues ou anonymes. Voilà, et qu'elles redescendront sur la Terre. Et ça sera la joie et ça sera la fête. Et en 2028. C'est autre chose, c'est carrément la résurrection de tous les morts. Moi et Jean-Louis Aubert, on ira au Mont des Oliviers, en Israël, et on ressuscitera tous les morts de la terre. On les mettra dans les déserts, qui seront devenus de beaux jardins ensoleillés et merveilleux. Voilà. Il y a qui d'autre dans cette... Vous nous avez parlé d'Elvis Presley autrefois. Il y a qui d'autre? Oui. Quel autre musicien qu'on connaît? Non, il n'y a pas que des musiciens. Il y a des écrivains, Émile Zola, Victor Hugo, des personnes des attentats. Rimbaud de... Oui, Rimbaud, bien sûr. Même Hitler, vous dites qu'il est là. Peut-être qu'Hitler sera là à la deuxième résurrection en 2028. C'est bientôt, hein. Oui. Qu'est-ce qu'on va faire avec Hitler et Poutine sur Terre? Non, ça marche pas, tous les deux. Non, mais ils seront devenus gentils. Ils feront leurs excuses en public. Ils excuseront de tout le mal qu'ils ont fait et on les laissera tranquilles aussi, quoi. Voilà, et ils essaieront de se racheter en plantant des oliviers sur le camp d'Auschwitz. À la place du camp de la mort, ça sera un champ d'oliviers qu'il y aura. Ça gèle là-bas. Ah oui, il y aura le soleil. Il faut attendre le réchauffement climatique. Oui, le soleil sera là. Le soleil sera là-bas sur toute la Terre pour irradier de bonnes ondes. Oui. Voilà. Bon, super. Et comment ils vont... Comment ils vont se convertir, ces méchants-là? Est-ce que c'est quoi la clé pour la conversion de méchants? Ben déjà, tout le monde aura des ailes et tout le monde volera. Frédéric, tu veux prendre un micro? Il y en a un là. On deviendra des ailes volants, des êtres volants comme les oiseaux. Et même les 4400 qui descendent des extraterrestres auront des ailes pour voler. Et ça sera très beau à voir, à regarder. Oui. Et tous les êtres humains aussi auront des ailes. Voilà, petit à petit, quand il suffira de ne plus boire, de ne plus fumer, de ne plus se droguer, ça, et on aura des ailes. Voilà. Ouais. Bon, c'est très très beau. Merci, Judith. Moi, je crois à toute votre prophétie. C'est bien que vous avez un lieu ici à la radio, en dehors de vos merveilleux poèmes que vous faites, pour nous dire un peu qu'est-ce qui va se passer, quoi. Mm. Parce que là, Judith, elle a des visions, des connexions, elle a des apparitions, des choses qu'elle nous transmet. Et la radio, justement, on parlait, là, Régis, il a dans ses mains un merveilleux bouquin de Thomas Alva Edison. Quand il a commencé à faire la radio, quand il a trouvé la première radio, il pensait que la radio, c'était justement un lieu pour pouvoir communiquer avec les esprits ou les gens qui n'étaient plus là. Et voilà, il avait tout un appareil pour communiquer avec, avec des gens de l'au-delà, quoi. Et moi, si je vais donner une touche négative à tout ça, c'est que la radio a quand même prévu aussi... a servi pendant la guerre, faut pas l'oublier, que la radio, ça c'est bien fait, c'est comme l'écriture en fait, c'est exactement le même message, mais la radio à un moment donné, on l'a utilisé pour faire la guerre, vous vous rendez compte, c'est qu'aujourd'hui on a le droit de parler, on a le droit de dire tout ce qu'on veut à la radio, mais à l'époque on l'utilisait pour faire de la guerre, pour se transmettre des messages, et le général de Gaulle, il a passé des messages à la résistance à travers la radio justement, et la radio c'est... Micro, s'il te plaît, parce que sinon on est... Si tu parles, c'est micro, parce que sinon on se perd à la radio. Lui, c'est pas s'il te plaît, Frédéric. Fusiller, et puis après, il y en a d'autres qui ont essayé, comme Mandela, qu'on parlait, et qu'on finit enfermé, et qui finalement ont fini à la présidence. Donc la radio, oui, mais la radio, faites attention quand même à ce que vous y racontez, parce qu'il faut pas tout dire à la radio. Il y a des choses qui sont pas bonnes à dire. Une petite correction, la radio, c'était aussi la résistance. Parce que et la résistance, justement. Voilà, c'est la résistance à la guerre. Même c'est la résistance. Quand j'étais petit, j'étais au Chili, il y avait la dictature, tous les militaires, et la seule manière de recevoir des émissions un peu de culturelles ou pas contrôlées par la milice, c'était les radios. C'était la radio, voilà. Radio libre. Courte. C'est radio comme ça qu'après, on a fait des radios libres. Après, il y a eu des radios libres qui ont bercé notre adolescence. Ouais. On a appris, comme il parlait de sexualité la dernière fois, on a appris tous à... Avec Skyrock, avec D-Fool et compagnie, dans notre génération à nous, c'était la radio libre en fait. Ouais. C'était notre première culture de sexuelle qu'on avait. On écoutait ça caché de nos parents. Fallait pas écouter ça à des heures. C'était 21h minuit. D-Fool et Surmarie, comme on disait, tu vois. On écoutait ces conneries-là et ça nous a bercé. La radio, ça nous a bercé. Mais aujourd'hui, elle disparaît petit à petit et ça fait mal en fait. Ça fait mal parce que. Quand tu vois que sur l'autoroute, tu captes plus toutes les radios, tu dis que le monde a changé et que l'expression libre, elle n'est plus si ouverte à tout esprit, en fait. Et y a des gens quand même qui réussissent à passer. Il y a des chaînes télévisées qu'on regarde plus que d'autres. Il y a des chaînes qui sont même encryptées, comme Canal+, où il y a eu beaucoup de déclarations à l'époque. Et voilà, la radio, c'est le principal outil de communication et c'est le seul qui nous est permis aujourd'hui de nous exprimer librement et de diffuser des messages outre-mer, outre-terre, et que tout le monde prenne le sujet à cœur. Et c'est passionnant, en fait, la radio. C'est petit comme c'est grand, en fait. Ça commence petit et ça finit grand parfois. Oui, et puis là, je suis l'autre fois qu'on va pouvoir transmettre à la radio, parce qu'on a peut-être monté une nouvelle émission en CATTP, qu'on va enregistrer des choses et on va essayer de transmettre sur les ondes FM. Parce que en tant j'ai une association, mais on pourrait monter une autre. En tant qu'association en France, on peut transmettre sur les ondes FM, justement comme radio libre. C'est-à-dire qu'on va pouvoir transmettre à tout bondi, si vous voulez écouter, pas seulement Internet, sinon aussi sur FM. Et on va essayer de construire des radios aussi, parce que là, ces livres-là qu'on parlait des esprits... La radio, à la base, c'est une plaque de cuivre qui est connectée sur un aimant. Et ça connecte un peu les choses. Ça fait perception. Là, on a la chance d'avoir quelqu'un comme Judith qui a une perception. Vous êtes une radio libre. Vous captez une fréquence que les autres ne captent pas et vous transmettez. Qu'est-ce que vous en pensez? Prenez le micro, là, s'il vous plaît, Judith. Ben, je suis d'accord avec vous. J'ai une vision un peu particulière, un peu spéciale de la vie, parce que je pense voir le futur. Et je vis plus dans le futur que dans le passé. C'est pour ça qu'il faut savoir pardonner aussi, et se pardonner à soi-même, les ennuis qu'on a pu avoir dans le passé. Et je voudrais laisser la place à mon collègue Julien pour qu'il chante sa chanson. Voilà, Julien va nous montrer sa dernière composition. Tu l'as écrit quand ? Exactement, ça fait mois de juillet. Voilà. Mais j'ai enregistré il y a quelques semaines. Toute fraîche. De chez moi. Je fais tout chez moi. J'ai le matos. Voilà. Ouais. Bah ouais, mais ouais. Micro, Makaya, prends le micro. Ok. Du coup, bah, elle s'appelle Matthew. C'est-à-dire faut que tu mettes le... Comment on écoute, parce que... Bah, si on pouvait... Si je peux mettre sur ton truc. Ou sinon sur le mien, quand tu veux. Ah, vas-y. C'est quoi ? Yay, Jetson ! Yo. Il est arrivé, Jetson, le... Jetson nous fait l'autre fois, nous, tu nous avais tous les bruitages, les sons à fond. Hein. C'est bien. Tu prends le micro pour dire bonjour un petit peu. Bonjour. Comment tu vas ? Ça va. Qu'est-ce que tu vas montrer aujourd'hui ? Qu'est-ce que tu vas nous montrer aujourd'hui ? On attend un peu que Julien programme ça. Du rap. Du rap ? C'est un morceau que tu as fait ? Non, dans ma musique. J'ai chanté... Prends le micro parce qu'il faut prendre. Dans ma musique. Dans ta musique que tu écoutes ? Ouais. Mais c'est quoi comme morceau que tu vas nous montrer aujourd'hui ? Sofiane. Sofiane. Bon, ok. Après Julien, on va te donner le micro et l'audio pour que tu puisses passer ton morceau. Ouais. Allez, voilà. Et après, Frédéric et Ignacino vont nous parler aussi. Vas-y, bon, Julien, comment il s'appelle ton morceau ? Tu peux le présenter ? De quoi Matthew, ça me parle d'une façon, enfin, d'une personne en général. Enfin, ça n'a pas vraiment de thème, c'est juste une chanson que j'ai écrite comme ça. Voilà. Radio Metanoia, Julien, Mathieu. Voilà. I never felt lonely since I met you, since I love you. Ooh. I never felt pretty. Since the day you kissed me, don't give up on me, don't give up on me. I need you so much, I need you so much. And if one day you don't understand, just call me. I never felt lonely since I met you, since I love you. I never felt pretty, since the day, you kissed me. Don't give up on me, don't give up on me. I need you so much, I need you so much. I love you like no one else has. I make you my main thing. Just tell me you'll be alright with me. From morning to night, I want to see you shine, see you shine. My baby, cause you have everything to be my star. Cause you have everything to be my star. I never felt lonely since I love you, since I met you. I never felt pretty since the day you kissed me. Don't give up on me. I need you so much. Don't give up on me. Don't give up on me. So much. I never felt lonely since I met you. Ooh. I never felt pretty since the day you kissed me. Don't give up on me. need you so much. I need you so much. Don't give up on me. Don't give up on me. I need you so much. Voilà. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. Merci beaucoup. Merci, ouais. À toi. Merci beaucoup. Micro, micro, micro. Tout le monde parle au micro. Ouais. Parce que sinon, on se perd. Est-ce que tu aurais une chanson, Julien, en français aussi, à nous oui. transmettre? Oui, si vous voulez. Mais là, je crois que Makaya est... S'il te plaît. Mais je crois que Makaya est... On va faire une Julien, une Makaya, après une chacun, après Jason. Ouais. Après Inès, encore une fois. Et après Frédéric, qui va chanter aussi. Ok. Ah. Ok. Tu sais? Le monde a bien changé depuis égal MC2. L'énergie nucléaire a établi son empire sur la Terre dans la main de quelques visionnaires. Extermination de toutes ces forêts et grands espaces verts pour laisser place à tant de béton, de pistes en goudron. Ils ont entré dans notre quotidien le mot pollution. Pour toi, petite ou grande civilisation, c'est le moment de la révolution. Revenir ensemble à l'essentiel avant de partir au ciel. Laissez une trace indélébile pour que demain les tiens, les autres, ils n'aient pas de billes. Je ne sais pas si tu suis le film, vis la vie avant qu'elle ne devine. Car tout ça ne tient qu'à un fil. Le monde, monde, monde, le monde, le monde a bien changé depuis E égale MC2. Le monde, le monde, le monde, le monde, le monde a bien changé depuis E égale MC2. Le monde, j'ai vu trop de bombes. Des gens pavanés en hélicoptère sur place pendant que les autres y mangent la poussière. En Afrique j'ai voyagé, j'ai vu les cultures. J'ai mélangé l'outre-mer et la terre. Je chante pour les oiseaux, pour ceux qui font la prière le matin très tôt au réveil. Moi je suis plutôt du genre à me lever avec un spliff à la main. De bon matin, un bon café dans la main, serré par une autre tasse que j'avais la veille sur mon oreiller. J'aurais envie d'être serré dans mes bras une dernière fois par l'ange qui me protégeait autrefois. J'avais envie de baiser, se serrer dans ses bras l'ange qui me protégeait autrefois. J'en place une pour toi darling, sors pas de mon feeling. Je suis pas en instrumental, je suis reggae, bomb, cisla. J'écris pas de texte mais je fais comme ça. On rêve, on rêve, on rêve, on rêve d'un ciel un peu plus bleu que le soleil. Admire les cieux, que demain soit beaucoup mieux. Ensemble, ensemble, ensemble, on soit heureux. Alors sèche les larmes de tes yeux, à deux demain tout ira mieux. J'ai rien à foutre de cette vie à l'envers ou dans le système on pue sa mère. Il faut défendre les valeurs de l'être humain et défendre son prochain. Chaque maladie, chaque maladie, chaque maladie devrait trouver son antivirus. Car le sida nous a condamnés pendant des années. Ils ont fait la guerre, mais nous on mange en enfer. Sur la terre mère, il y a des princesses, il y a des sirènes. Il y en a qui savent chanter, il y en a d'autres qui savent faire la fête. Il y en a d'autres qui se prennent la tête, il y en a d'autres qui se prennent vraiment pour un casse-tête. Moi je pars toujours en impro, j'ai toujours une idée, un morceau à dédicacer. Alors pour toi ma dulcinée, je te dirais ça plus beau. Si c'était la dernière fois qu'on se voyait, la dernière fois qu'on se calculait. Si c'était la dernière et toute la dernière fois, qu'est-ce que tu ferais de moi? Moi je te ferais juste un câlin comme autrefois. Et je te dirai bientôt que la mer est de thé, que la mer est de au ciel, ce que le vent est à la terre. Et nous réunirons les frontières, bâtir sa vie, bâtir le monde, bâtir sa vie, bâtir le monde, bâtir sa vie, bâtir le monde, monde meilleur. Vas-y. Ouais, ouais, j'ai pas d'inspi, mais on va faire comme si j'en avais, alors que j'en ai pas. Banane plantain au réveil le matin, épices au coupé coupé, délices de bon calice. Je te fume en fleur de lys, ma petite fille Maëlys, je pense à toi. Oui, bravo, bravo Makaya. C'est super l'impro là. Alors il y a Jason qui va nous montrer un truc. Et Makaya peut-être il va l'aider aussi avec les chœurs. Hein. Ouais. Parce que c'est super, Makaya, bravo. Aujourd'hui, il est inspiré, c'est bien. Pas tout le temps comme ça, ça me fait plaisir. Et voilà, donc il faut. Ouais, voilà, donc on est en Radio Metanoia, presque en direct, parce qu'on essaye d'enregistrer, parce qu'on a des piles. Et les piles, s'ils finissent, et puis voilà, on ne peut plus faire du direct. Voilà, on se rassure. On va être connecté quand même. Là, je vous dis, on est connecté grâce à Julien qui nous a prêté sa connexion, parce qu'à l'hôpital il n'a même pas de connexion. Voilà. Mais oui, avec l'attaque informatique là, tous les hôpitaux ils sont peur. Bon, Jason, tu me dis quand tu es prêt pour Radio Metanoia. Viens mettre la musique là. Viens ici. Julien, tu peux l'aider? Sofiane, Julien va. Voilà, Jason va chanter Sofiane. Il va être accompagné en chœur par Makaya et peut-être Inès aussi, s'il connaît la chanson. Ça fait joli un chœur comme ça, une femme et un homme. Oui, voilà, on va aller. Jason, il est en forme là aujourd'hui, je sens. Il a un super beau t-shirt qui dit No Stress. Cabo Verde, No Stress. Ah oui, on va y aller tous à Cabo Verde à faire la fête. On n'est pas là pour rigoler, on est là pour faire la fête. Vas-y, Jason, en direct de Radio Metanoia. Vas-y. Attends, pourquoi ça ne marche pas? Tu l'as bien branché? Si, il est bien branché. Ah, et on lève la coque. Ouais. Parce que sinon, ça ne rentrait pas. Ça, sinon, il y a un autre câble, hein, si jamais ça ne marche pas. Voilà, ça va rentrer, je pense que c'est bon. Voilà. Les portes de l'équipe. Jason, ouais, on va chanter. Attends, Jason, mets-toi peut-être où il y a Julien, comme ça tu peux chanter là. Et tu laisses à Makaya et Inès qui fassent le chœur. Ah, c'est bon? Je vais sortir les potes. Frérot, si t'insistes, tu seras dans mon équipe. Je vais t'ouvrir les portes de l'équipe. Frérot, si t'insistes, t'inquiète pas, on essaye. On a perdu une tonne, on se refait un vide. Une sortie du Vénès, de concept à Marseille. Mon petit nous l'arrête après, oublie ton cartable. T'es déterminé, on verra bien ça c'est tout. Qu'est-ce que t'es prêt à faire, de quoi t'es capable? Dans la vie millionnaire, par là c'est pas le pédo. Ils veulent faire la guerre, la révolution. Armé ou pas, dans les deux cas c'est pas lourd. Souris t'es filmé, quand t'es sous les balles. Des ennemis, t'es sous les yeux des jaloux. Mon petit loup, mon petit loup, mon petit loup, mon petit loup, il a plus grand chose à perdre. Mon petit loup, mon petit loup, mon petit loup, il est calibré. Mon petit loup, mon petit loup, il est calibré. Mon petit loup, mon petit chinois. La respect des méchants, quand tu crois les méchants. T'as des yeux derrière sur les civils, à pied des calibres sur les champs. Quand on tâche les champs, tu fais la mafia depuis que t'as du papier. Et toutes les défaites se changent en victoire. Il cherche un rappeur pour raconter son histoire. Il va pas durer longtemps, ça il le sait. On oublie ton propre, le sale il le fait. Il est prêt pour tout, mon petit loup. Il nage comme un prince au milieu des requins. Il sera toujours là, au rendez-vous. Pour une paire de reins, découper quelqu'un. Mon petit loup, mon petit loup. Mon petit loup, mon petit loup. Il a plus grand chose à perdre. Mon petit loup, mon petit loup. Mon petit loup, il est calibré. Mon petit loup, mon petit loup. Il est calibré. Mon petit loup, mon petit loup. Mon petit loup, mon petit loup. Faut qu'il atteigne les finances. Il mange sa peine en silence. Il veut que tout le monde le craigne dans les nuits parisiennes. Il a vu Jétal qui danse. Faut qu'il atteigne les finances. Il mange sa peine en silence. Il veut que tout le monde le craigne dans les nuits parisiennes. Il a vu Jétal qui danse. Mon petit loup, mon petit loup, mon petit loup. Il a plus grand chose à perdre. Mon petit loup, mon petit loup, mon petit loup. Il est calibré. Mon petit loup, mon petit loup. Il est calibré. Mon petit loup, mon petit loup. Mon petit loup, mon petit loup. Mon petit loup, mon petit loup. Il a plus grand chose à perdre. Mon petit loup, mon petit loup. Mon petit loup, il est calibré. Il a plus grand chose à perdre. Mon petit loup, il est calibré. Mon petit loup, mon petit loup. Hey, Jason, super Jason à fond. J-J-J. Oh, et les cœurs incroyables, hein, merci. Hein. Tout le monde, c'est tout bien ici, Jason. C'est bien, hein, tu as le cœur de luxe là. On a nos deux meilleurs chanteurs de Urbla qui étaient soutiens là. Mon Keynes qui se met à faire. Dans la musique ou à faire rue, ou à, c'est le cœur, ça. Si tu veux, moi j'ai une chanson. Vas-y, Julien, profite parce que là, on est à 8 minutes de direct. Et on va voir si on a cette pile. On n'a pas de pile. Hein. On va. Non, donc soit on va faire une dernière à toi, enregistrer, puis après on va passer les enregistrements parce que comme ça, ça va être truc. On va finir tôt aujourd'hui, c'est bien. Non, on va passer après, on va écouter le truc. Hein. Ah, merde. Willy. Radio Metanoia. Frédéric, tu veux dire un mot ? Non, merci. Bon, Frédéric, aujourd'hui, on silencie. Stand-by aujourd'hui, mais bon. La position ignoble. Micro, Jason, micro. Wesh. Wesh, Florent. Ça va, Flo ? Bonjour. Prends un micro pour dire bonjour. Hey. Micro 3. Hey. Je recommence, j'ai raté mon début. Julien Carrado. Yes. Tanoya. Je la veux rien que pour moi, elle est incroyable, elle le sait déjà. Blottie contre toi, je sais que rien ne nous arrivera. Je la veux rien que pour moi, elle est incroyable, elle le sait déjà. Blottie contre toi, je sais que rien ne nous arrivera. Hola bébé, ou comment ça va? Est-ce que t'es prête à ce que je te fasse du leça? Toute la night, on s'amusera. Tellement les draps sont humides, arrête pas de crier papa. Fais-moi ton plus beau sourire. Dis-moi, est-ce que t'es prête à souffrir? T'inquiète bébé, on n'est pas là pour dormir. Encore une fois, je t'aurais prévenu. Encore une fois, je suis là pour ton. La météo annonce de la pluie, mais tu es déjà toute humide. Encore une fois, je t'aurais prévenu. Encore une fois, je suis là pour ton cul. La météo annonce de la pluie, mais tu es déjà toute humide. Arrête de pleurer. Tu sais que je t'aimerai jusqu'à l'éternité. Toi et moi, c'est pour la vie, bébé. Je la veux rien que pour moi. Elle est incroyable, elle le sait déjà. Blottie contre toi, je sais que rien ne nous arrivera. Je la veux rien pour moi, elle est incroyable et le sait déjà. Blottie contre toi, je sais que rien ne nous arrivera. Elle me dit stop, arrête d'aller trop profond. Au fond, je crois qu'elle a raison. Putain, mais en fait, elle a raison. Putain, mais en fait, je suis trop con. Pourtant, t'avais l'air de kiffer. Je comprends pas ce qui est arrivé. Est-ce que la capote aurait craqué? J'avais rien que pour moi. Il est incroyable, je le sais déjà. Je lutte contre toi. Je sais que rien ne vous arrivera. Je l'avais rien que pour moi. Il est incroyable, je le sais déjà. Lotti contre toi. Je sais que rien ne vous arrivera. Elle est incroyable, je le sais déjà. Lotti contre toi. Je sais que rien ne nous arrivera. Julien, cadeau, cadeau, cadeau, hey, cadeau, hey, ah. Oui, oh, oui. Ouais. Bon, Florent, bienvenue. Ça, c'était Julien, maintenant, c'est Florent qui vient d'arriver. Bonjour. Comment tu vas? Bonjour à tous. Ben, je vais bien, ça va, merci. Et voilà. Ça fait plaisir de te voir, hein, Florent. Merci beaucoup. Moi aussi, ça fait plaisir de vous voir, vous tous. Tu as toujours ta place ici, tu sais. Et merci, monsieur. Tu veux parler de quelque chose aujourd'hui spécial par la radio? Tu as quelque chose qui te trotte sur la tête? J'ai quelques soucis, mais bon, je pense que. Tu peux dire, hein, on est là, on est là, on est groupe, on est équipe ici, on est groupe. Bah, j'attends vendredi là, ma permission pour sortir aller voir mon père qui est en prison. Et voilà, à part ça, demain aussi j'ai une sortie, je dois aller au tribunal de Bobigny pour ils veulent gérer mon argent, ils veulent me mettre sous cœur à tête. Et à part ça voilà, il y a ces deux trucs là qui à quoi je pense quoi. OK, c'est super. Bon, tu veux mettre une musique ou quelque chose pour l'instant? Attends, je vais mettre une musique le temps qu'on se connecte parce qu'on va être en direct et entre les directs et un peu de pré-enregistrement. Mais Julien, il ne faut pas qu'il parte avec son téléphone parce qu'on était avec sa connexion. Julien, tu es où? Il faut l'appeler, Julien. Tu peux l'appeler? Tu peux appeler Julien parce qu'il a besoin de, on a besoin de son téléphone de connexion. Voilà. Tanoyak. On est presque en direct, on dirait. On est à 2 minutes. Julien, il est parti avec son téléphone et on a déconnecté avec son téléphone. Voilà. Il est parti où, Louis? Ah non, il est là, il a laissé son téléphone. Sur le vôtre, il n'y a rien. Le mien, il n'a pas de réseau. Vous n'avez même pas d'abonnement, c'est pas un téléphone. Hein. Si, j'ai un abonnement, mais c'est un vieux iPhone, donc il n'y a pas de réseau. On est à 2 minutes, on va voir si ça peut marcher ou pas, un truc. C'est connecté, mais Julien il est parti. Il nous a laissé sans le truc. Autant Pinote, Air Pinote. On va tout virer ça. On a là. Ok. On va être le tac. Connecting. Putain. Oh. Comment il est parti, Julien? Comme ça. Quelqu'un, il y a une connexion internet là qui fait ça. Tu peux nous partager la connexion internet, s'il te plaît? Et je pense qu'on va attaquer le direct parce que. On n'a pas le truc. Nous sommes bloqués, quoi. Il a amené. Il t'a donné le téléphone? Super. Attends, c'est bon. Il est là. Tu le laisses ici, s'il te plaît, parce qu'on a. Super, génial. Bon, écoute, on n'a pas le temps de changer, donc on va faire en direct, on va tout répéter. Voilà. Donc on va commencer. On a une minute de Radio Metanoia. Quelqu'un veut présenter la radio? Tu veux dire, Jason, bonjour, on a la Radio Metanoia ici à Bondy. Vas-y, c'est toi qui vas le faire. Bonjour à la attends, radio. Attends, je t'ai dit, alors, 1, 2, 3, vas-y. Bonjour à la Radio Metanoia à Bondy. Tu peux présenter tout le monde qui est là. Là, on est en direct sur les ondes FM à Paris et Mulhouse sur Pinode. Pinode, P-N-O-D-E.org. Jason qui nous présente à tous. Voilà. Tu as qui à ta droite? Inès, qui va nous chanter tout à l'heure une belle chanson. Micro, prends le micro pour te dire quelque chose, Inès. Il y a Makaya. Attends, Inès, vous voulez. Makaya, dédicace. Toujours là à la radio Métanoïa, tous les mercredis. Toujours au filet, au feeling, au feeling, au feeling, au filet. Et on prend ce qu'on a à prendre sur la bande FM, c'est-à-dire on déclasse tout le monde. Aujourd'hui, on reçoit un pote à moi qui a réussi à monter avec son iPhone 4 connecté d'en bas. Il arrive à le faire disparaître, le réapparaître. Il fait apparaître les briquets, disparaître les briquets. Il fume un peu comme moi, on se détend le cerveau. Il doit aller voir son père, je lui souhaite qu'il aille voir son père parce qu'il n'arrête pas de demander cette demande-là. Et Serra, je ne sais pas ce qu'il fout, mais il faut qu'il arrête de condamner les gens. Donc le préfet, on l'encule. Le préfet, déjà, je lui dis d'avance, je t'encule le préfet. Le préfet, c'est comme le maire, je l'encule aussi, le maire de Bondy. Il fait des trucs bizarres, voilà. Voilà. Voilà. Oui, c'était Makaya. Voilà. Tu peux présenter qui est en face de toi? Ah, il y a Inès à droite. Inès à ta droite qui va nous chanter tout à l'heure. Donc il faut préparer sa musique. Tu es mon autre. Prends un micro juste pour dire parce que sinon les gens entendent. Tu es mon autre de Lara Fabian. Tu es mon autre de. Tu es mon autre de Lara Fabian. Lara Fabian. Ouais, c'est ça. Et voilà. Et il y a Judith aussi. Mais je vais répéter mon poème. Tu vas répéter ton poème parce que là, on est en direct. D'accord. Et c'est pas grave, parce que comme ça, on est entraîné. Ouais. Et dès qu'on a des piles, parce que si on n'a plus de piles, il faut falloir qu'on fasse autre chose. Voilà, donc Judith, tu peux y aller, vas-y. D'accord. Allons-y. Pour la troisième fois, je vais lire mon poème qui s'appelle Jean-Louis. Tu vas me détester, tu vas me haïr, tu vas me faire souffrir, tu vas me faire pleurer. Je vais t'aimer, je vais te faire valser, je vais te faire danser, je vais te faire chanter. Je vais te détester, je vais te haïr, je vais te faire souffrir, je vais te faire pleurer. Tu vas m'aimer, tu vas me faire valser, tu vas me faire danser, tu vas me faire chanter. Mais un jour, nous serons indifférents aux sentiments de peine. Poème préventif. Pour que jamais ne s'installe la haine entre nous deux, entre Judith Somène et Jean-Louis Aubert, le chanteur. Voilà. Oui. Bravo. Et à côté de Judith, il y a Florent qui va prendre le micro, va se présenter, qui vient de monter. Florent. Bonjour à tous. Je viens de parler, enfin de mes soucis, mais bon, je me représente, moi c'est Florent. Et voilà, je sais pas quoi dire. Si vous pouvez m'aider. Tu peux dire ce que tu veux, hein, Selena, on est libre de dire tout ce qu'on a envie de dire. Bah, qu'est-ce que je voudrais dire? Je sais pas du tout. Non, ça c'est toi, Makaya, laisse qu'il parle, c'est ce qu'il a envie. Il vient de. Je sais pas quoi dire, monsieur, vraiment. C'est pas grave, on peut, ça va venir. Hein. Mais tu en tout cas, improviser. Ça me fait vraiment plaisir de passer à cette radio, Métanoïac. Et c'est un honneur pour moi, merci beaucoup. Ouais, bienvenue à la radio. Merci. Et bon, donc il y a Inès qui va nous chanter, mais il te faut une musique. Tu peux chanter sa musique, oui, vas-y. Attends, je te. Vas-y, essaye le micro, c'est quel numéro, le 3 4 4, je pense. Vas-y. Oh, c'est bon, ça marche. Ah là là. Acapella. Ouais, direct, voilà, c'est bon. Que des musiques émouvantes, voilà, et non, c'est trop. Vas-y, Inès. Je peux commencer, c'est bon? C'est bon. Dis-moi qui es-tu, tu es mon plus grand mystère, mon seul lien continu. Tu m'enrubannes, tu m'embryonnes et tu me gardes à vue. Tu es le seul animal de mon arche perdue. Tu ne parles qu'une langue, qu'aucun mot déçu. celle qui fait de toi mon autre, l'âme reconnue. Je ne dois rien à personne, et nous serions maudits. Toi, tu es mon autre, la force de ma voix, ma faiblesse et ma loi, mon insolence et mon droit. Toi, j'ai plus de voix, ça y est. Voilà, j'ai plus de voix. Oh, oh, bravo. Oh, ouais. Oui, super. Oui, on a tellement chanté aujourd'hui, deux, trois fois, je... mais c'est bien, il faut prendre un petit bonbon à la menthe, ça va venir. C'est très bien. Jason, c'est à toi maintenant. Vas-y, mets ta musique, ta chanson, on va chanter avant que Makaya reprenne le contrôle de toute la musique. Mais voilà, tu peux mettre ta musique, il se prépare Jason à mettre un peu de musique pour Atom Metanoia en direct de Villevrard sur pinode.org. P-N-O-D-E.org. Pour ceux qui sont là, en écoutant Radio Metanoia, le temps qu'on a de batterie, parce que là, on est sur notre mode, comment dire, de guerre, qui est avec des piles, double A. On n'a même pas d'électricité ni connexion Internet. Pourquoi ? Parce que tous les hôpitaux ont peur aujourd'hui qu'il y ait une espèce d'attaque informatique, comme on l'a eu il y a deux semaines. Hein ? J'ai pas envie de vous servir de mon Internet. Oui, vous croyez que c'est ça qu'il faudrait que dise ? Vous n'avez qu'à faire vos demandes, vous n'avez qu'à vous battre. Oh, on a fait tout ça. Hein. Logistique. Et nous, on est des patients qui sont venus ici pour vous aider. Normalement, c'est vous qui devriez nous aider. Mais il faut prendre le micro. Vous n'êtes pas là pour nous aider, vous êtes là pour travailler. Ok. Mais... voilà, il faut qu'on soit là. On est là. Mais je te demande, s'il te plaît, Frédéric, que tu ne te mettes pas au travers, là, parce que tu bloques les passages à tous les gens qui passent. Tu te mets là-bas, s'il te plaît, parce que sinon... oui, au revoir, Judith. Voilà, donc il y a Julien qui... bonne journée à vous. Merci beaucoup, Judith. Hein, pour prophétie, hein, vous avez raté les prophéties. Juste avant que tu partes, tu peux nous dire, pendant que... il cherche la chanson, juste là, c'est ce qui va se passer en 2028. Oui. Tu peux prendre le micro, s'il te plaît. En 2028 viendra la résurrection de tous nos morts. Viendra la résurrection de tous nos morts. Qui descendront du ciel avec des ailes invisibles. Et en 2024, un vaisseau extraterrestre se posera sur le plateau du Cantal avec 4400 personnes connues et inconnues pour refaire le monde et le rendre meilleur. Voilà. Tu disais qu'en 2028 aussi, il y a un autre événement. Donc, il y a un premier événement en 2024. 2024, c'est la soucoupe volante qui descend avec 4400 personnes. Mm-hmm. Et connues et inconnues, comme Arthur Rimbaud, Elvis Presley, ceux des attentats du Bataclan qui reviendront. Oui. Avec des ailes invisibles, comme des anges, quoi. Voilà, on sera devenus des anges. Ouais, transparents, quoi, avec des... oui, des ailes invisibles. C'est incroyable, ça, ouais. C'est beau, ça. Donc, au plateau de Cantal, vous avez, prenez votre place, ouais. Louez vos endroits pour y aller, parce qu'on va y aller tous. Radio Metanoia va être présent au plateau de Cantal. On va aller tous avec Judith à la tête. Vous avez vu ce film, Premier Contact ? Oui. C'est un film, je l'ai vu hier. C'est très intéressant parce que c'est une femme qui prend contact avec des extraterrestres. Qui, tout le monde pense que c'est la guerre, qu'il faut les attaquer. Mais en fait, ils voulaient nous offrir un langage. un langage justement pour évoluer et communiquer avec eux dans le futur. Ouais. Et elle, et c'est elle la seule qui peut sauver l'humanité parce que elle a des, comme vous, des visions, des choses, elle est en contact avec les. C'est très joli. La musique, elle est magnifique. Hein. Donc je recommande de le voir. D'accord. Premier contact, arrival, ça s'appelle. C'est les mêmes. Comment il s'appelle le directeur? C'est le même directeur qui a fait Dune récemment. Son nom, de dernière Dune, ouais, mais micro Frédéric, micro Frédéric. Il faut que tu prennes le micro parce que sinon on n'entend pas. Parce que sinon je ne peux pas parler tout seul. Ouais, donc voilà, je vous invite à voir ce film, mais surtout Plateau de Cantal 24 et le 28, vous dites qu'il y a une grosse résurrection. Oui, avec tous nos morts qui ressusciteront des cimetières, ils sortiront de leur tombe avec des ailes là aussi invisibles et ils voleront dans l'espace-temps. Et voilà, tout le monde aura une planète à soi qui appartiendra à chacun de nous. Et on se réunira tous pour faire des grandes fêtes parce que on sera devenus tous des anges. Et on sera des anges hommes et des anges femmes et des anges enfants et des anges ados. Voilà. Des anges ados. Adolescents. Adolescents, ouais. Oui, voilà. Waouh. Donc on a 2024 et 2028 oui. pour que vous soyez prêts pour venir. On va faire une émission en direct avec les extraterrestres au plateau de Cantal 2024 et puis 2028. Merci beaucoup. C'est Judith Semaine qui va faire tous les mercredis ou quand elle peut, parce qu'en général elle peut, quoi, j'espère qu'elle vient plus souvent, sa colonne de poésie et prophétie. On peut l'appeler comme ça. Oui. Il a écrit deux bouquins, hein, Judith, où il parle de toutes ses visions. Comment il s'appelle? Trois bouquins même. Comment il s'appelle vos bouquins? Le Troisième Testament. Le Troisième Testament. Le chemin et la traversée vers l'archange ciel. Oui. Ange. Pour Archange Ciel. Uh-huh. Les Enchanteurs, c'est un recueil de poèmes. Oui. Et Journal d'une jeune fille très timide dans les années 80. C'est un troisième livre tiré d'un journal intime que j'ai écrit à 14 ans. Ah oui. Et je prévois d'écrire le Quatrième Testament. Oui. Voilà, il est déjà prêt, mais il me faut des sous pour l'éditer. Oui. Au revoir tout le monde. Au revoir. Oh, Macaya, au revoir. Au revoir, au revoir. Au revoir, au revoir. Et alors, et quoi d'autre? Et un recueil de tous les poèmes réunis que j'ai écrits et que j'ai écrit et que j'ai diffusé quelques-uns ici. Ouais. Dans Radio Metanoia. Oui, oui. Voilà. Bon, merci beaucoup, Judith. Hein. On est là. Je vous en prie. Poésie et prophétie. Bon, salut, attentif, 2024, au plateau d'Arsac. Et là, c'est Jason qui vient en force. On va chanter. Attends, on va te mettre de la musique parce que là, je n'ai pas encore reconnecté. Une seconde. Voilà, là, c'est connecté. Tu peux mettre play. Tu peux mettre play si tu veux, c'est connecté. Decidí abrir los ojos, me encontré con tu mirada que encendió mi sangre y la ilusión dentro de mi alma. Me acerqué buscando abrigo y me abracé a tus sentidos sin querer apareció temor a que te vaya. Cantaré, cantaré, cantaré corazón, la canción que nos quite el miedo. Nada detendrá este sueño por toda la eternidad. Llegaré, llegaré hasta tu corazón, con tu amor volaré hacia el cielo. La verdad es este. fuego y yo quiero quemarme en ti. Aprendí a confiar de a poco y ahora sí a creer en todo. Podrá ser al fin para los dos como lo imaginamos. Me animé de ti mi vida sin pensar en las heridas y ya no volví a sentir temor, temor a que te vaya. Cantaré, cantaré, cantaré corazón, la canción que nos quite el miedo. Nada te vendrá de sueño, nada ni nadie lo hará. Llegaré, llegaré hasta tu corazón, con tu amor volaré hasta el cielo. La verdad es este fuego y yo quiero quemarme. Vivir el misterio que agitas en mí. Cantaré, cantaré, cantaré corazón, la canción que nos quite el miedo. Nada te tendrá de sueño, nada ni nadie lo hará. Oui, super Jason, merci beaucoup, bravo, bravo, bravo. Est-ce que tu as une autre petite chanson à nous chanter là, pas profitant qu'il y a la place pour tout le monde? Parce qu'aujourd'hui, il y avait des gens qui sont arrivés un peu plus tôt, c'est vrai, et là, on n'est pas nombreux. Voilà, donc Jason, tu peux chanter une autre chanson qui est pour nous, si tu veux... Sinon, pour l'instant, si tu veux, je veux mettre une chanson pendant que tu trouves l'autre. Tu vas te trouver, mais là, ça marche pas. Ah oui, oui, parce qu'il faut que tu me dises si je le mette. Voilà, vas-y. Tu me plais ? No me olvidé de la canción que tarareamos la primera vez de la ciudad mojándose. Mientras reíamos sin entender, no me olvidé del corazón que dibujaste en aquella pared, ni de la flor que te regalé y que deshojaste sin miedo a perder. Que amo. Mm-hmm. mira qué amor. Oui, Jason, super, merci. Je ne savais pas que tu parlais espagnol. Bien, ah oui, c'est vrai qu'à Cabo Verde, on parle espagnol. Tu parles espagnol là-bas et non ? Prends le micro là, s'il te plaît. Micro et portugais ? Non. Hein ? Tu parles quoi là-bas ? Je ne parle pas là-bas. Tu parles quoi là-bas ? Qu'est français ? Que le français. Et pourquoi tu chantes ton espagnol ? Tu connais un peu ? Ouais, ça c'est une musique espagnole. Ça. Mais oui, je vois ça. Bon, écoute, c'est bon, ils sont les autres là aujourd'hui. C'est vrai qu'on n'est pas nombreux, mais on va mettre une petite musique pendant que les autres arrivent. Je voulais mettre une autre chose qu'on a chanté l'autre fois et qui s'appelle Come With Me de Donna Summer. Bon, comme d'habitude, on a un petit truc là, et là, j'espère que ça va marcher. On n'entend rien. Pourquoi on n'entend rien ? Pourtant, ça devrait passer. Yeah. Yo, yo, yo, yo, yo, yo, Radio Metanoia. Là, DJ Jason va mettre encore une musique qu'il va chanter. Vas-y, Jason, tu vas mettre quoi? Tu peux parler au micro, tu peux le présenter. Yeah. Tus ojos negros son los que mi alma encandilan. Cuando estés cerquita mío, voy a hacer lo que más te gusta. Bailar al ritmo de tu cuerpo, bien pegadito a mi cintura. Voy a beber tus besos, echa tu voz al fuego. Seré tu sangre y tú la mía. Cuando sienta tus latidos, será tu piel y mi piel musa. Brotarán nuestros sentidos, jugando a lo que más nos gusta. Voy a lavar tus besos, echar tu boca al fuego. Voy a poner tu cuello y después voy a comerse entero. Voy a lavar tus besos, echar tu boca al fuego. Voy a poner tu cuello y después voy a comerte entero. Quiero que esta noche me sentí a partir ya no dejarte partir. C'est passionnant, quelque chose. Merde. Tu peux, tu as, tu as le téléphone, tu peux goûter si ça passe dans la radio. Uh-huh. Tu peux mettre p-note.org. Sur Google. p-note.org. Tu vois pourquoi ça marche pas ce truc? P. P tiré du 6, tu sais. Tiré. P tiré du 6, tu sais le tiré du 6. .org. J'ai aucune idée si on transmet ou pas là. Attends, je vais monter là. C'est ça. Ah, pin m o d e Node. Node pas de problème. Et là, tu peux mettre play. C'est ça. C'est ça qui fonctionne? Laisse. Ça marchait là, laisse. Pourquoi ça marche pas? Mais ça marchait tout à l'heure, tu as mis pause après. C'est ça, c'est ce que l'on a enregistré l'autre fois. C'est ce que l'on a enregistré Julien l'autre fois. Ça, c'est Farouk. Bon, au moins ça marche. C'est quoi ces sons là? Un son de paradis, tu fais ça? Bon, écoute, tant mieux, hein, merci beaucoup. Hein, c'est vraiment Jason, tu as sauvé la mission. Je sais pas pourquoi. Je peux pas arrêter. Tu peux connecter les... Jason, tu peux connecter? Tu peux connecter les câbles? Ils sont tous partis. Mais, et puis on a plein de piles, et là on a peu de piles, mais... Il y en a qui sont pas venus. Qui sont pas venus? Mais oui, il y en a plein qui sont pas venus. Hein. Bah ouais. Vanna. Sur... Non, mais pas 15 fois, c'était bon comme ça. Oh, je sais pas ce qu'il a. Bon. Attends, on a encore quoi, tout quoi. Mais bon, on va arrêter là. Hein. Mais parce qu'on a... Alors, T. Télé... Ah, c'est ça, téléversement. Attends, mais n'arrête pas encore ta connexion si tu peux, Julien. J'ai mis ça parce qu'on avait plus de batterie. J'ai basculé sur l'enregistrement. Je vais revenir, je vais me chercher un truc à manger. Ouais, on va. De toute façon, on va arrêter là. On va arrêter ? Ouais, je vais laisser ça parce qu'on n'a pas les piles. Hein. Les piles d'environ 2 secondes, tu vois. Ah. C'est fini. La connecter un... Plus rien, c'est la fin de truc. Mais j'ai demandé, il va ramener. Qui ça? Mélissa. Ah, Mélissa, elle vient du café. On sait pas, tu peux mettre play parce que là, je sais pas, je voulais le connecter avec ces câbles là. Ça n'a pas marché. Au moins ça marchait la mission de pré-enregistrer. Donc mets play d'abord, voir si ça fonctionne comme ça. Mais c'est bien, j'ai senti que tu as chanté 4 chansons aujourd'hui, c'est super. Ça marche pas. Non, ça marche pas, malheureusement. Attends, t'es bien branché, hein. Ouais, donc tu enlèves, on lève le... Ah, non, non, mais j'ai mis... Il faut que tu mettes ça. Ces câbles-là. Essaye, sinon on va le faire sans câble. Super, merci beaucoup. Enlève le câble, non, ça marche pas, le câble c'est chaud. On va les mettre sans câble, on va le goûter comme ça. Tant pis. Bon, c'est Julien. Pourquoi il y a si peu de monde aujourd'hui? Je sais pas, c'est la rentrée. Hein. C'est rentrée. Peut-être que Cyril il est en cours, je sais pas. Ouais, Cyril, on sait pas. À lundi. À lundi, ouais. Et la surège, ils sont tous partis, ils ont chanté tout seul, ils étaient tous les deux. Ils ont chanté 4 chansons. Et Jean-François Bias, on n'a pas de nouvelles de lui. Hein. J'ai vu tout à l'heure dans le bus, il est en train de marcher vers la gare. Il vient plus à la radio ? Non. Avant que je parte, oui. Je le dis comme ça. Pedro m'a sorti. Ouais, ok. Ouais. D'accord. C'est bien, non ? Ouais, c'est cool. Tu diras après, de toute façon, on part lundi. On en parle lundi. Bon, à lundi alors.